Les choses simplifiées, mais faut pas trop s'y fier. Je suis pas pour autant débile, car certains sont habiles quand il s'agit de tricher. Nos dirigeants subtils en sont un bon cliché. Pour simplifier, on peut dire que l'argent mène le mal, qu'elle est pas prête d'aller plus haut. La France n'en va qu'à politique qui est sous le feu des scandales. Elle peut mentir, se faire prendre, et ça passera. Et ça passera. Dans les usines, et un connard qui te licencie du fond de sa limousine. Son pote à côté, lui, Madoff, père et profit. Qu'en poche des plus-values sur nos emplois détruits. Pour simplifier les choses, c'est le combat ordinaire du bon petit prolétaire qui se tait. Qui va bosser, qui sait que de toute façon, il peut rien y faire. Pot de vin contre pot de verre, tout peut se monnayer. Tout peut se monnayer. Sur l'humain, et l'humain, lui, prime sur l'écologie. Y'a cette fleur qui éclot, l'entreprise qui l'écrase. Et puis y'a nous, spectateurs du carnage. Y'a cette fleur qui éclot, l'entreprise qui l'écrase. Et puis y'a nous, spectateurs du carnage. D'ailleurs, en termes de spectacle, pour simplifier les choses, dans le showbiz, je peux te dire, ça sent pas la rose. Ça sent la poudre aux yeux, ça sent la coque à l'œil. Ça sent le prêt à tout pour sa place dans son fauteuil. J'aime dans la vie, c'est les choses simplifiées. Mais faut pas trop s'y fier, je suis pas pour autant débile. Car certains sont habiles quand il s'agit de tricher. Nos dirigeants se bilan sont un bon cliché. Pour simplifier, on en veut tous pour notre argent. Mais on n'a pas trop d'argent à dépenser. Pour simplifier, on sait que le papier monnaie dirige tout depuis longtemps et c'est pas terminé. Pour simplifier les choses, pour simplifier les choses, pour simplifier les choses. Sans pas la rose pour simplifier les choses, pour simplifier les choses, pour simplifier les choses. L'économie prime sur l'humain et l'humain prime sur l'écologie. Y'a cette fleur qui éclot, l'entreprise qui l'écrase. Et puis y'a nos spectateurs du carnage. Y'a cette fleur qui éclot, l'entreprise qui l'écrase. Et puis y'a nos spectateurs du carnage. Simplifier les choses.